Il est 9h-4. Le 7-9 sur France Inter. François Morel, c'est donc l'heure de votre billet. Lettre à Patrick Peloux, mon ami. Depuis deux jours, je n'arrête pas de penser à toi et à ta douleur. À ce coup de fil que je t'ai passé ce mercredi vers midi et à cette voix que tu avais quand tu m'as fait comprendre l'exact degré de l'horreur et de la détresse que tu traversais. Patrick, j'ai juste 3 minutes pour te dire que je t'aime comme un frère, comme un ami. Je voulais te remercier de m'avoir fait rencontrer Charb et Cabu. Charb et Cabu avaient des têtes d'enfants, des enfants espiègles, farceurs, rieurs et tendres. Féroces, bien sûr, mais juste par le dessin. Leurs seules armes étaient leurs crayons. Patrick, je sais bien que je dis des banalités, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Si, des souvenirs de conversation avec Charb. Il nous raconte qu'un soir, il monte dans un taxi, le chauffeur, barbu, le reconnaît. Vous êtes le type de Charlie Hebdo ? Oui. Descend tout de suite. Le chauffeur barbu ameute ses collègues, leur dit de ne pas le prendre, que c'est le salaud de Charlie Hebdo. La panique de Charb qui part en courant, la violence des taxis barbus, ces comportements existent en France. Doit-on les banaliser ? Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'ignominie, à l'insupportable ? Charb nous confiait aussi que certains kiosquiers barbus s'arrangeaient pour ne jamais vendre Charlie Hebdo, que dès le mercredi matin, il répondait aux clients qu'il réclamait qu'il n'en avait plus. Les exemplaires du journal étaient mis dans un coin, puis redonnés tels quels, jusqu'à ce qu'on décide de ne pas les réapprovisionner, ces kiosques, vu que ça ne servait à rien. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué petit à petit à l'abjection, à la crapulerie ? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut lire des messages abjects. Certains se réjouissent de la mort de nos amis assassinés. L'appel au meurtre est-il un délit en France ? Est-ce qu'on va encore supporter longtemps ces paroles de haine, de brutalité, de sauvagerie ? Est-il tolérable qu'en France, un chauffeur de taxi se permette de chasser un client de sa voiture, un kiosquier refuse de diffuser un journal, des salauds sur le net appellent au meurtre ? Patrick, je pense à toi. Je pense à ce que Julos Bocarn avait écrit la nuit, juste après l'assassinat de sa femme tuée par un déséquilibré. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. En attendant, à vous autres, mes amis d'ici-bas, face à ce qui m'arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Je pense à mon ami Michel qui hier me laisse un texto au sujet de Simon, le neveu de sa compagne, Anouk, qui depuis 2 ans travaillait à Charlie Hebdo. François, je crois que c'est Patrick Peloux qui a sorti notre Simon de l'enfer. Que tous les hommes humains le remercient et lui soient reconnaissants. Pleure et rage. Pleure et rage. François Morel, merci François.